J'ai rêvé d'un long couloir de béton dans un chantier laissé à l'abandon, à moitié en devenir, à moitié ruine. Les souvenirs ont parfois l'odeur de l'urine. En avançant lentement dans ce couloir, quelquefois sous mes pieds, plongé dans le noir, j'écrasais de vieilles merdes plus ou moins sèches. Le monde a ses injustices que rien n'empêche. Clarté, un bout de ciel, peut-être est-ce une issue à ce long tunnel, mais ce ne sont que quatre murs couverts de crasse. Le destin nous conduit parfois à des impasses. Un chef d'État qui m'inquiète, qui dit que seule la guerre pourra nous sauver. Une petite voix susurre, tout ça commence à se sentir mauvais.